Radio Chevauchoir. Il est 9h. Auditeurs et auditrices de Radio Chevaucheur, Lydiane vous dit bonjour en ce dimanche ensoleillé. Nous sommes déjà le 2 mars, nous commençons ce mois de mars ensemble. La chanteuse Solange Stone est décédée dans un accident de voiture. Le mazout de chauffage plus cher ce week-end. Les anniversaires People, l'éphémérie de 2 mars en 1991, la mort de Serge Gainsbourg, qui a été à 4h30 du matin surnommé l'homme à la tête de chou, est décédé le 2 mars 91 à Paris d'une crise cardiaque. Lundi, on fêtera l'anniversaire de Camila, mardi de Juliette Armanet, mercredi MC Solar, jeudi Pierre Garnier, vendredi Daniel Gérard, samedi Tino Boll et dimanche prochain Christian. Le 2 mars, nous entrons dans un nouveau mois et nous avons le soleil qui nous accompagne tout au long de cette journée. Pour ce que les personnes qui lisent les livres encore sur le papier, eh bien, il y en a 686 qui sont sortis. Ceux qui savent, Un amour déchu et La bête de l'ombre. Voilà, si vous voulez aller chercher un de ce livre à la bibliothèque, et c'est la journée mondiale du livre. Journée mondiale du livre et également la journée des mamies aujourd'hui. Bonne fête à vous. Vous écoutez Radio Chevauchoir, 105.5 FM. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du 8, 18, 26, 27, 33, 43 et 25. Le Joker Plus 268 817, le signe Gémeaux. La pierre de ce mois, eh bien, simplement, c'est l'aigle... aigle marine, que voilà pour la pierre du mois. Aider, soulage la douleur, concilie le lien amoureux. Réduit les problèmes de peau, accompagne à la sortie de l'état de dépression, elle est associée aux océans par sa couleur. Elle a longtemps été portée par les marins pour protéger des dangers de la mer. De nos jours, on dit qu'elle favorise la santé du foie ou des dents. Elle est plus d'encourager le calme et l'apaisement des peurs. Radio Chevauchoir vous propose pour les enfants des stages, hein, pour le congé de Pâques. Prenez vos renseignements à Radio Chevauchoir, bien sûr, des stages radiophoniques. Pour les personnes qui désirent partir en Alsace du 9 au 12 mai, il nous reste encore de la place. Si vous voulez venir avec nous, n'oubliez pas que c'est un voyage pour découvrir l'Alsace avec toutes ses fleurs et sa beauté. Toutes les excursions sont comprises dans ce prix et nous avons jusqu'au 15 mars pour réserver vos chambres. Un montant de 200 euros, vous êtes demandé comme à compte. Ce dimanche à la guinguette, nous aurons Manu de Fleurs. Dimanche prochain, nous irons chez Glouglou. N'oubliez pas qu'il nous reste encore également des places. Il est grand temps de réserver. Je prendrai les réservations jusqu'aujourd'hui. Le 16 mars, nous aurons le chanteur Baldo qui sera à la guinguette de Radio Chevauchoir pour présenter son nouveau CD. N'oubliez pas de réserver également votre place. Le 22 mars, nous serons de sortie pour le comité de Walsor, un repas avec Patrick Duquenois. Et le 30 mars, le 29 mars, nous aurons un jeu bingo à la guinguette de Radio Chevauchoir. Et le 30 mars, nous aurons Cathy Minin, un mois bien rempli pour vous accompagner dans votre journée de festivité. Pourquoi pas venir nous dire un petit bonjour, prendre vos cartes de soutien, faire votre nouvel abonnement pour ce mois de mars. Parrainer les émissions de vos animateurs bénévoles qui sont là tout au long de la semaine et leur faire plaisir et rester fidèles. Bonjour madame, voilà, je cherche quelque chose de... Seule tentation. Et en parlant de fidélité, vous savez que Radio Chevauchoir, eh bien, cette semaine aura 43 ans de vie. Alors encore un grand merci à toutes les personnes depuis 1982 suivent Radio Chevauchoir et bien sûr les nouveaux qui arrivent. Merci de votre fidélité et que la musique vous accompagne tout au long de cette année. C'est une merveille, les donateurs qui restent anonymes et qui nous aident financièrement à Radio Chevauchoir. Merci également. Cette mer qui s'attire au soleil, viens, on va plonger. C'est une merveille, et de tout ça, tu es la plus belle. On va se noyer dans le septième ciel, viens, on va s'aimer. Alors, tout à l'heure, nous parlons de la pierre du mois et pour la fleur du mois, nous avons la tulipe pour ce mois de mars. C'est une fleur qui existe depuis des siècles, mais elle a fini de se développer dans les années 1600. Elle possède des fleurs en forme de coupelle, étant la troisième fleur la plus populaire au monde. La tulipe fait partie des élégantes fleurs de jardin. Elle reprend l'amour parfait durable entre deux amants ou les membres d'une famille. La tulipe est également pour l'amour idéal, le désir d'une union, un amour fou et un souhait de réussite. Dans les petits voyages pour le Kekenov, je crois que c'est le 12 avril. Vous avez reconnu la voix de Julien Doré, hein, les démons de minuit. Il n'est pas minuit, il est 9h26. On va écouter l'étoile semaine, le Sébastien Daria qui sera le 9. En France, on ira le voir avec Michel Prévost et Clo-Clo. N'oubliez pas qu'il nous reste encore de la place pour voyager le 9 mars. C'est dimanche au prix de 55 euros par personne, tout compris le voyage, le repas. 1, 2, 3, 4, 5 services. Et vous aurez également toutes les boissons à volonté tout au long de cette journée de ce dimanche 9 mars. Et en vous rappelant que Sébastien sera à la guinguette de Radio Chevauchoir le 1er mai. C'est un jeudi. L'étoile de cette semaine est Sébastien du groupe Aeria. Bonne écoute et bonne semaine. Embellir et entretenir votre propriété. Avec Dutch Nature. Tonte de pelouse, débroussaillage, taille de haie, taille de rosier, scarification, taille d'arbre et abattage, même dangereux. Destruction de souches, transport et destruction de déchets verts. Différentes livraisons telles que gravier, écorce, mais également vos plantes. Réalisation d'étangs, de parterres et bien d'autres. Tous ces travaux sont réalisés par le patron lui-même. Devis et renseignements gratuits. N'hésitez pas. Dutch Nature 0479 49 17 64 0479 49 17 64, Dutch Nature. Bienvenue dans dans cette émission, l'apéritif misère jusqu'à midi. Vous pouvez m'appeler au numéro de téléphone que je vais vous donner tout de suite. 091 13 86 81. Téléphonez-nous. Nous fêtons aujourd'hui la fête des grands-mères et les Charles. C'est la journée mondiale du livre. Marraine Loulou d'Ivoire, Didier, François, Josette, Émile, Alain, Denis, Nicole d'Andois, Papy Georges, Lise de Mettet, Nicole de Salzine, Simone de Denis, Robert et Yves, Gisèle de Gève, Karine et David, François et Monique, Mimi Crépin, Eliane de Profondeville, Josette Francine et merci parrain et marraine et bon dimanche. Comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, Radio Chevaucheur, le 6 mars à 17h45, aura ses 43 ans. Est toujours disponible par Radio Chevauchoir au prix de 5 euros. We'll be right back. Voici le chevaucheur joué par Albert Regnier. Les cigognes sont de retour. Voyage, escapade alsacienne. Du vendredi 9 mai au lundi 12 mai. Départ de nos locaux vers notre première excursion. Temps libre puis direction notre hôtel pour le repas du soir et une bonne nuit de sommeil. Les jours 2 et 3 différentes visites seront de la partie. Le jour 4 petit déjeuner, les valises et retour vers nos locaux. Dans ce voyage, le prix de 436 euros par personne comprend. Le parking privé. Les excursions, 3 petits déjeuners, 3 repas du soir, 3 nuits d'hôtel. Un acompte est attendu pour le 1er mars, attention les places sont limitées. Renseignements 0477 59 48 43. 0477 59 48 43.